mercredi à Assemblage requis. Notre chroniqueur Sébastien Dulude nous rend visite pour faire le tour des sorties culturelles alternatives intéressantes. La formation Polyp sera en spectacle ce soir à l'Embuscade, mais nous, on les reçoit en studio. Et on parle comme toujours de technologie dans la chronique CNX. Assemblage requis, mercredi, 15h.